si. ALKPOTE, la crème du 9-1. Bande de putain. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Wesh Alcapote, une sorte de jeune Alain Delon, je les seins, parfum de queue, ce con, c'est bientôt la fin de ce monde. Catin, je te montre le gratin, le son, je prends pas le melon, je tease jusqu'à ce que mon larynx se gonfle. Même pas 5 secondes me suffisent. Je viens de Tunis, je te punis, accepte si c'est trop cru, fils. Je vais chatouiller, des chattes mouillées, t'écrabouiller, planté avec des chelasses rouillées. Roule ton perse avec du son de test, compte berce. Nique les contestes, les comptes, personne conteste. Prépare les pansements, les cotons, les compresses. Oh Mike, je me confesse, tu mouilles comme une gonzesse. Nique les 7 péchés capitaux, des versets d'animaux. Pour mes frères, faites baisser le chapiteau. On a le son que tu mets à fond dans ta voiture. Ici y a pas de poids plume, ici l'alcool se boit pur. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. C'est pour les gars qui tirent sur les ch'tars à la grande borne, ceux qui jamais n'abandonnent. Moi je fais pas du rap en vogue. De ta gueule, j'en ai rien à foutre, salope. Pourrais fister Anne Roumanoff ou mettre de la cam sous sa robe. V'là l'écrivain, assez vilain, apprécie le grain. Vois quand je bois, tu vois que j'ai le palais si fin. J'place des briserins, flow brise nuque vos petites putes prostituées. Nos rimes, tu notre rapé divin. Joue pas l'américain, remballe ton phrasé qui craint. Tes morceaux d'homo, grave féminin. J'ai déjà fait mi-chemin, gars j'ai pris le train en première classe. Dégueulasse, mets-toi à la place des riverains. Je veux gagner 1000 gains comme Alfred Sirvin. Pas des mythes peints, nos peines n'ont jamais pris fin. Tu peux niquer et piper même si t'as des petits seins. Mais vaut mieux pas sniffer si tu as le nez de Krilin. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Clique pas, une rasba pour ton putain de tarma. Une rasba pour ton putain de tarma. Une rasba fils orme, fils op homme.